La valise de papa. En hiver 1922, l'écrivain américain Ernest Hemingway vivait avec sa première femme, Hadley, à Paris. Pendant ce voyage, l'écrivain laissait souvent sa femme seule à la maison. Peu de temps avant Noël, il séjournait à Lausanne pour couvrir une conférence internationale pour un journal. Il voulait prendre rendez-vous avec Hadley à Lausanne et puis aller faire du ski avec elle à Chambly, au-dessus de Montreux. Hadley voulait surprendre son mari et amener ainsi tous ses manuscrits pour qu'il pût travailler le soir pendant leurs vacances de ski. Elle mit tout ce qu'il avait déjà écrit jusque-là dans une petite valise. À la gare de Lyon, elle laissa apporter ses valises dans son compartiment par un porteur. Puis, elle sortit du compartiment et s'entretint avec quelques journalistes qui l'avaient conduite au train sur le quai. Quand elle revint dans le compartiment, la valise avait disparu. Hadley fouilla plusieurs compartiments et demanda conseil à d'autres voyageurs, mais la valise resta introuvable. Quand Hadley arriva à Lausanne, elle n'osa d'abord point raconter à Hemingway ce qu'il s'était passé. Il devint affreusement furieux et prit tout de suite le train retour pour Paris afin de voir si, dans son erreur, elle avait au moins laissé les doubles dans l'appartement. Mais tout ce qu'il avait déjà écrit jusque-là était loin. Hemingway n'a jamais pardonné à sa femme la valise disparue et ce malheur, d'après les écrivains qui ont écrit sur sa vie, sera finalement une des principales raisons de son divorce. D'après Scherer-Köpf, de Papa's Valise.